rêve, confiance vient de loin, j'ai perdu toute confiance. Dans le mérite de la finance, dans les médias, ça a été immédiat. Je ne les crois plus du tout, hier. La confiance vient de loin, j'ai perdu toute confiance. Les politiciens au pouvoir, y'a vraiment plus rien à voir. Le monde de l'édition a déjà fait sa réduction. Le showbiz est tellement plus très gratuit que tu y retrouveras tous tes atouts. De loin, j'ai perdu toute confiance. La confiance que tu leur accordes devient dès lors la corde. Tous allés vont s'y pendre sans que nul n'ait besoin d'interférer. Pour tous ceux qui ont blessé la justice, on l'a pris dans de pleines messages. C'est bien eux leur justice, tout devient abus de pouvoir, de position dominante et de vitesse de diffamation. Concret banal, mais il y a aussi la porte exacte. Ça se peut qu'ils dorment tous des ruissons de la compréhension collective, de la compréhension collective. La confiance vient de toi, j'ai perdu toute confiance. Transforme chaque qualité en blessure, chaque défaut en récompense, et chaque inadmissible comportement en voyant triomphe. La confiance vient de loin, j'ai perdu toute confiance. La confiance vient de loin, j'ai perdu toute confiance. La confiance vient de loin, j'ai perdu toute confiance. Ma lettre peut dévorer ma fatigue, ma fatigue. Petit à petit, la confiance vient de loin là. La confiance vient de loin là.